Et donc, quand t'as assez longtemps, c'est qu'à un moment, ces êtres humains, ils ont disparu, mec. Et je me suis dit, putain, ça y est, le monde est sauf, y'a plus rien. Y'a plus les êtres humains, y'a plus le mal, y'a plus rien. On avait plus le meuf plus le 24. Maintenant, le son, il est à l'intérieur, il est là. Et du speed, t'as du speed. Ah, du speed, j'ai rien moi. T'as rien? Non. Qu'est-ce que tu fais là? problème. Si on n'a plus l'électricité, la munition, les chars d'intérieur de tête, t'as plus la centrale nucléaire qui t'aura plus d'électricité pour faire tourner les turntables. Putain, t'as plus besoin. T'as plus rien, plus d'énergie pour moi. Thank you.